Un jour, on était en tournée avec Metallica. Et on avait fait un arrêt à Oklahoma. Et là, une jeune fille française appelée Adjani nous dit qu'elle voulait passer un temps avec nous en coulisses. We wanted to try something. On voulait essayer un truc avec elle, une spécialité française, les raviolis. And she said she would cook some raviolis. Et elle nous a dit, Adjani, donc elle voulait nous en préparer. From Metallica, we were very, moi et mes amis de Metallica, on était très amis, très contents de pouvoir partager ça avec elle. And that's all. She went away. Mais c'est tout. Elle we never tasted elle est partie et on l'a jamais essayé.